Chapitre sixième. Cousin, m'écriai-je en entrant, ne faites pas de mal au sautre, c'est moi qui suis coupable, ne lui faites pas de mal, je vous en prie. Mais le cousin ne m'écoutait pas. Il était secoué par un accès de colère qui donnait à sa figure blanche comme un linge une effrayante expression de sauvagerie. Dans sa main crispée, il serrait le malheureux sauteret et bredouillait d'une voix rauque. Bête de malheur, bête possédée du diable. L'écureuil se démenait en effet comme un possédé. Et pour se débarrasser de l'étreinte de M. Bastien, il se servait des seules armes qu'il eut à sa disposition, ses griffes et ses dents. Il les enfonçait profondément dans la main du cousin, et le sang coulait jusque sur les lambeaux de papier qui jonchaient le parquet. « Grâce, grâce » criai-je de nouveau, en me pendant la redingote de M. Bastien. Je ne sais si la douleur ou la vue du sang redoubla la rage du cousin, mais il serra plus fort. Le sauteret me regarda une dernière fois, comme pour m'appeler à son secours, puis ses beaux yeux noirs se troublèrent. Il lâcha prise, et M. Bastien le lança violemment sur le parquet. C'était fini. Le pauvre sauteret ne bougeait plus. Sa bouche entr'ouverte montrait encore ses dents aiguës. Ses paupières étaient retombées sur ses yeux ternis. Sa queue qu'il étalait si orgueilleusement s'allongeait flasque et ébouriffée sur les débris du livre d'images. Je poussai un gémissement, et je me jetai à genoux près de l'écureuil mort, en essayant de le réchauffer dans mes mains. Les émotions par lesquelles je venais de passer m'avait mis dans un étrange état nerveux. Les sanglots m'étouffaient, et tout en caressant le corps tiède de mon écureuil, je criais convulsivement à M. Bastien « Bourreau, bourreau, assassin !» Soudain, à ma grande stupéfaction, je vis le cousin s'agenouiller à côté de moi. L'expression sauvage de sa figure avait disparu. Ses traits s'étaient détendus, et de grosses larmes tombaient de ses yeux rougis sur ses joues creuses. En même temps, joignant ses mains encore tremblantes, il murmurait des paroles décousues, avec un accent navrant. « Je suis un fou, pardon, petit. Ma mauvaise colère m'avait rendu déjà une fois si malheureux. J'aurais dû m'en souvenir. Maudit tempérament, j'avais juré de ne plus m'emporter. Cet animal ne savait ce qu'il faisait, c'était son instinct de ronger. Il rongeait. Je l'ai tué, comme autrefois j'ai tué mon pauvre Labise. La colère est un mauvais ange, Joseph. Quand nous lui avons obéi une fois... « Nous ne nous appartenons plus. Oui, petit, si j'avais su me contenir, la bise serait encore près de moi. Grand, fort, la joie et la compagnie de ma vieillesse. Je n'irai pas comme un vagabond sur les routes, n'osant plus rentrer dans cette maison où on l'a rapporté tout sanglant et où il a expiré comme cette bête vient de passer entre mes mains. Il était si beau, si aimant, si vivant. Je l'ai tué, comme j'ai tué l'écureuil. Tiens, voici tout ce qui m'en reste de lui. » En même temps, ses maigres doigts rassemblaient les débris du livre d'images. C'était son livre favori, continua M. Bastien, en regardant les lambeaux de papier épars sur ses genoux. Il l'avait eu en prix à son école et il l'emportait partout. Quand je feuilletais le livre, il me semblait que j'y retrouvais le souffle de mon enfant. Je lisais les lignes crayonnées sur les marges, je regardais les estampes, les dessins, et je croyais l'entendre lui-même rire aux éclats. Je le revoyais penché près de la fenêtre, à sa petite table, avec le verre d'eau et les godets où il trempait ses pinceaux, et tout mon bon temps ressuscitait. À présent, je n'ai plus rien, qu'un nouveau crime sur la conscience. La grosse voix plaintive de M. Bastien me résonnait jusqu'au fond de la poitrine. En voyant ce vieux visage mouillé de larmes, en écoutant les confidences si poignantes de ce vieillard, qui me demandait pardon à moi, si coupable dans la circonstance, je sentais la rancune causée par la fin tragique du sauteret s'évanouir pour faire place à un repentir mêlé de compassion. Je me jetai brusquement au cou du bonhomme, l'embrassant de tout mon cœur. « Je vous aime bien, moi, cousin, lui dis-je, je vous aimerai toujours. Je resterai près de vous, et si vous voulez, j'essaierai de remplacer la bise. » Il m'empoigna dans ses bras, m'emporta vers le fauteuil, où il s'assit en me posant sur ses genoux, puis il couvrit mes cheveux de baisers. « Tu es un bon enfant, soupira-t-il. Oui, reste avec moi. Nous nous aimerons bien. » La paix une fois conclue, il fut convenu que nous ne soufflerions mot à personne des circonstances qui avaient précédé et amené la mort du sauteret. Le cousin voulut assumer complètement la responsabilité du meurtre de mon écureuil. Après avoir enfoui dans son pupitre les restes du volume du chanoine Schmid, il revissa stoïquement le piton que je lui avais rendu, puis, comme scolastique, criait d'en bas que le dîner était prêt. « Laisse-moi faire, Joseph. » ajouta-t-il, je dirais que j'ai tué le sauteret dans un moment de colère, et ton père, qui connaît déjà mes emportements, n'en demandera pas davantage. Après dîner, nous nous occupâmes tous deux des obsèques de mon cher écureuil. Je l'enveloppai dans un vieux foulard et le portai tendrement au fond du jardin, où le cousin le déposa dans un trou creusé au pied d'un tilleul. Puis, M. Bastien, qui était très industrieux, tailla une pierre en forme de tombe. Il y encastra adroitement une vieille ardoise sur laquelle il grava cette épitaphe de sa composition. « C'est Gilles Sauteret, né en avril, mort en septembre. Arraché prématurément à son nid, il a été arraché plus vite encore à la vie. Ses amis, en pleurant, ont élevé un tombeau, à ses mânes regrettées. » Quand la tombe fut plantée sur la fosse, le cousin y jeta un regard mélancolique et se retira. Je le vis s'éloigner au fond de l'allée des framboisiers, relevant soigneusement les basques de sa redingote pour la préserver de l'humidité, et courbant pensivement la tête. Resté seul près de la pierre, il me sembla que je n'avais pas assez fait pour honorer la dépouille du malheureux écureuil, et que mon camarade ne devait pas être content. J'allai racler des larmes de résine au tronc de nos sapins, je les déposai dans des godets de ma boîte à couleurs, et je les fis brûler en guise d'encens aux quatre angles de la tombe. Puis, ayant été acheté un paquet de pétards chez l'épicier, je les braquai en face du tilleul et je tirai des salves en l'honneur du défunt. De cette façon, le pauvre petit Sauteret eut de belles et dignes funérailles. Ainsi s'achève L'écureuil par André Theuriet.